même les serviteurs qui travaillent dans la même vigne, le même champ. 50% will be taken. A small group will take, another group will be left. 50% va être pris. Un petit groupe va être pris, un autre groupe va être laissé. How can you work in the same vineyard? Comment pouvez-vous travailler dans la même vigne? Servants means women and men. It does not matter. Women and men, they're servants. Serviteurs signifie hommes et femmes. Peu importe que ce soit des hommes ou des femmes, ce sont des serviteurs. Those who are called. Ceux qui sont appelés. But. Mais. How can you work in the same field? Comment pouvez-vous travailler dans le même champ? The same vineyard. La même vigne. And then. Et ensuite. And then only half taken. Et ensuite, seulement la moitié sont pris. Already, the ones working in the vineyard are few. Déjà, ceux qui travaillent dans la vigne sont peu. The rest are working elsewhere. Le reste sont en train de travailler ailleurs. That is obvious today. C'est évident aujourd'hui. The rest are preaching Pandabegu, Hapa, Pata, Hapa. Le reste est en train de prêcher, mets une graine dans la terre, sème une graine. Weka, Hapa, Pata, Hapa. Mets là et tu recevras quelque chose. Whatever, they're doing everything. Quoi qu'ils fassent, ils font n'importe quoi. But very few are working in the vineyard. Mais très peu sont en train de travailler dans la vigne. Now, out of those few, maintenant, en dehors de ce peu, he will cut into half. Il veut en prendre la moitié. How can he cut into half? Comment est-ce qu'il peut partager en moitié? When they are all working in the vineyard. Quand ils sont tous en train de travailler dans la vigne. Let me explain to you. Laissez-moi vous l'expliquer. Which means, ce qui signifie, there will be the practice of lawlessness. Ça sera la transgression de la loi. By some servants in the house. Par quelques serviteurs de la maison. Practice of lawlessness. La pratique de la transgression de la loi. This is the law. Ça, c'est la loi. And if you don't treat the law with impartiality. Et si vous ne traitez pas la loi avec impartialité, you are practicing lawlessness. Vous pratiquez la transgression de la loi. And he says, two women will be grinding at a mill. Et il dit, deux femmes vont moudre au moulin. One will be taken, the other will be left. L'une va être prise et l'autre va être laissée. Every time the Lord talks of a woman, he talks of church, the church. Chaque fois que le Seigneur parle à propos de femmes, il parle de l'Église. L'Église. A small portion of the church will be taken. Une petite portion de l'Église va être prise. I want now, je désire maintenant. We can continue on and on. On peut encore continuer comme ça. But I want now to switch gears. Alors je vais vous aiguiller dans une autre vitesse. So we can move to higher ground, right? Comme ça on peut se déplacer sur un terrain plus haut. Let us approach the book of Revelation. Approchons le livre de l'Apocalypse. And you'll be stunned. Et vous allez être abasourdi. This is it. C'est ceci. This is it. C'est ceci. Today is the day. Aujourd'hui c'est le jour. Alléluia. Alléluia. Listen to this. Écoutez ceci. Out of the four glorious gospels. En dehors des quatre glorieux évangiles. Only three of them contained this most important prophecy. Seuls trois d'entre eux contiennent cette si importante prophétie. On the coming of the Messiah. De la venue du Messie. Out of the four. En dehors des quatre. And when I went to John. Et quand je suis allé à Jean. Because I found it in Matthew 24. Parce que je l'ai trouvé dans Matthieu 24. Mark 13. Marc 13. Luke 21. Luc 21. But when I went to John. Mais quand je suis allé à Jean. It was missing. Ça manquait. And I say, et j'ai dit. The Lord separated John. Le Seigneur a séparé Jean. That he may receive the transcript. Pour qu'il puisse recevoir la transcription. The translation. La traduction. The revelation. La révélation. The interpretation. L'interprétation. of this prophecy, de cette prophétie, that when you people live in that dispensation, pour que vous, les gens qui vivent dans cette dispensation, you may see it. Vous pouvez le voir. Listen to this. Écoutez ceci. The Lord did not want, le Seigneur ne désirait pas, that you people may read the Bible and say, oh, I read it, oh. Que vous, peuple, vous lisiez la Bible et que vous disiez, oh, vous lisez et vous dites, oh. You know, I don't understand it. Vous savez, je ne comprends pas ceci. I need to go and do a degree in theology. J'ai besoin d'aller faire un degré de théologie. And a master's degree in Bible studies. Et un master en études bibliques. And a PhD in the book of John. Et le PhD du livre de Jean. The Lord did not want that humiliation. Le Seigneur ne désire pas cette humiliation. He did not want you. Il ne désire to start reading. Ah, to understand this prophecy, I need to get a book of philosophy. De commencer à lire et que vous disiez, ah, pour comprendre ceci, j'ai besoin de lire un livre de philosophie. Get a book of philosophy. Prenez un livre de philosophie. A book on psychology. Un livre de psychologie. Or theological psychology. Ou une théologie psychologique. A book on seven wisdom keys for wealth or for whatever. Un livre des 7 clés de la sagesse pour la santé ou pour autre chose. He did not want to see you running around from north to east. Il n'a pas désiré que vous tourniez du nord à l'est, from south to west, du sud à l'ouest, wandering around, déambulant, looking for revelation. Regardons pour une révélation. He made the Bible interpret Bible. Il a fait que la Bible interprète la Bible. You don't get me yet. Vous ne m'avez pas saisi maintenant. He made the Bible. Il a fait que la Bible translate Bible. Traduise la Bible. He made Bible. Il a fait que la Bible transduce, explain Bible. Explique la Bible. He made the Bible self. Il fait que la Bible s'explique d'elle-même. Elle se suffit à elle-même. So you don't need any other place. Alors vous n'avez pas besoin d'aucune autre place. If somebody will tell you, si quelqu'un veut vous dire, that you know my Bible is not sufficient, oh, vous savez, ma Bible n'est pas suffisante. So I had to look for other ways, you know? Alors, ma Bible, vous savez, alors je suis obligé de regarder pour d'autres chemins. I had to buy books, you know, there is enough. I have to go to I must go back to university. J'avais à acheter des livres. Vous savez, je dois retourner à l'université. That is wrong. Ça, c'est faux. The biggest counselor. Le plus grand conseiller. The greatest teacher. Le plus grand enseignant. The greatest revelator. Le plus grand révélateur. The mightiest revelator of the word. Le plus grand révélateur de la parole. Is the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. Only the Holy Spirit. Seul le Saint-Esprit. That's why he put John apart. C'est pourquoi il a mis Jean à part. That John may receive revelation. Pour que Jean puisse recevoir la révélation. And explain it. Et l'expliquer. So, I want us to slowly open our Bibles to Revelation chapter 1. Et je désire que lentement vous ouvriez votre Bible à l'Apocalypse chapitre 1. Let me summarize for you today. Laissez-moi résumer pour vous aujourd'hui. The book of Revelation. Le livre de l'Apocalypse. That you may now enter there. Pour que vous puissiez maintenant entrer là. And read it. Et le lire. When John received the revelation of the Lord. Quand Jean a reçu la révélation du Seigneur. Regarding the interpretation of the Mount of Olive prophecy. Concernant l'interprétation de la prophétie du mont des Oliviers, I repeat this. Je répète ceci. When John Quand Jean received the revelation of Jehovah, a reçu la révélation de Jéhovah of the Holy Spirit, du Saint-Esprit regarding the Mount of Olives prophecy, concernant la prophétie du mont des Oliviers, John wrote it in the book of Revelation, chapter 6. Jean l'a écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6. So I want to point you already to our target. Alors je vais vous amener à notre but. Our target is chapter 6 of the book of Revelation. Notre but est le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. But we will not go there now. Mais alors on ne va pas y aller maintenant. I want to summarize the rest of the book. Je veux résumer le reste du livre. Just like I did the book of Matthew. Juste comme je l'ai fait dans l'évangile de Matthieu. I just touched the beatitudes. I touched the admonition. J'ai juste touché les béatitudes, j'ai touché l'avertissement. And then I did not touch the contrast. Et ensuite, je n'ai pas touché le contraste. And those were just a small segment of that big conversation. Et cela était juste un petit segment de cette grande conversation. And there is a second conversation. Et il y a une seconde conversation. A third conversation. Une troisième conversation. Chapters 18, 19. Les chapitres 18, 19. Before you reach Olivet. Avant que vous arriviez à Olivet. Again. Encore. When John received the revelation of the Lord. Quand Jean a reçu la révélation du Seigneur, John recorded it in the book of Revelation, chapter 6. Jean l'a enregistré dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6. That is our target. Ça, c'est notre but. But before we go there, mais avant que nous allions là, Revelation, chapters 1, 2, and 3. Apocalypse, chapitre 1, 2 et 3. Revelation, Apocalypse, chapters 1, 2 and 3. Chapitre 1, 2 et 3. What do they do? Qu'est-ce qu'ils ont fait? They are meant to prepare the church. Ils sont là pour préparer l'église. To prepare the church for the coming of the Messiah. Pour préparer l'église à la venue du Messie. That's why you hear him saying, c'est pourquoi vous l'entendez dire things like, des choses comme the seven spirits sent to the church, les sept esprits envoyés à l'église, things like, choses comme repent and return to your first love, repentez-vous et retournez à votre premier amour. Let us read some of them so you may understand. Lisons certains d'entre eux, comme ça vous allez comprendre. Alléluia. Alléluia. Revelation chapter 2, for example, verse, any verse. Apocalypse chapitre 2, par exemple, verse, tous les versets. From verse 1, we are targeting verse 3. Depuis le verset 1, on va jusqu'au verset 3. Verse 1, chapter 2, it says. Le verset 1 du chapitre 2, il dit. To the angel of the church in Ephesus write. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. These are the words of him who holds the seven stars in his right hand. Ce sont les mots de celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. And walks among the seven golden lampstands. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Verse 2, he says, I know your deeds. Au verset 2, il dit, je connais tes œuvres, your hard work and your perseverance. Ton dur travail et ta persévérance. I know that you cannot tolerate wicked men. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. That you have tested those who claim to be apostles. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, but are not, et qui ne le sont pas. And have found them false. Et tu les as trouvés menteurs. Verse 3 is for you. Le verset 3 est pour vous. You have persevered and have endured hardship for my name. Tu as de la persévérance. Tu as souffert pour mon nom. And have not grown weary. Et que tu n'étais point lassé. Verse 4 is for you. Le verset 4 est pour vous. Yet I hold this against you. Mais ce que j'ai contre toi, you have forsaken your first love. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Remember the height from which you have fallen. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repent and do the things you did at first. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. If you do not repent, sinon, je viendrai à toi. I'll come to you and remove your lampstand from its place. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. Another scripture. Dans d'autres écritures. Verse 8. Le verset 8. To the angel of the church in Thyatira. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Right. Écrit. These are the words of him who is the first and the last. In other words, Alpha and Omega. Voici ce que dit le premier et le dernier. En d'autres mots, l'alpha et l'oméga. Who died and came to life again. Celui qui était mort et qui est revenu à la vie. I know your affliction. Je connais ton affliction. And your poverty. Et ta pauvreté. Yet you are rich. Bien que tu sois riche. I know the slander of those who say that they are Jews. And they are not. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne sont pas. But are a synagogue of Satan. Mais qui sont une synagogue de Satan. Do not be afraid of what you are about to suffer. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. I tell you, the devil will put some of you into prison to test you. Je vous dis, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. And you suffer persecution for 10 days. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Be faithful. Sois fidèle. Even to the point of death. Jusqu'à la mort. And I'll give you the crown of life. Et je te donnerai la couronne de vie. Verse 14. Le verset 14. Nevertheless, I have a few things against you. Mais j'ai quelque chose contre toi. You have people there who hold on to teachings of Balaam. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Who taught Balak to entice the Israelites to sin by eating food sacrificed to idols? Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. By committing sexual immorality. Et qu'ils se livrent à la débauche, à l'immoralité sexuelle. Likewise, you also have those who hold on to those teachings, Nicolaitans. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repent, therefore. Repens-toi donc. Otherwise, I'll soon come to you. And fight against them. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai. He who has ears, let him hear. Que celui qui a des oreilles entende. What the Spirit says to the churches. Ce que l'Esprit dit aux églises. To him who overcomes, I'll give some of the hidden manna. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. And I'll also give him a white stone. Et je lui donnerai un caillou blanc. With a new name written on it. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau. Known only to him who receives it. Que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Chapter 3. Le chapitre 3. Verse 1. Le verset 1. To the angel of the church in Sardis. À l'ange de l'église de Sardes. Right. Écrit. These are the words of him who holds the seven spirits of God. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu. And the seven stars. Et les sept étoiles. I know your deeds. Je connais tes œuvres. You have a reputation of being alive, but you are dead. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Wake up, strengthen what remains. Sois vigilant, affermis le reste. And is about to die. Qui est prêt de mourir. For I have not found your deeds complete in the sight of my God. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Remember therefore what you have received and heard. Obey it. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la. And repent. Et repens-toi. But if you do not wake up, si tu ne te réveilles pas, I'll come like a thief. Je viendrai comme un voleur. And you will not know at what time I will come. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai. Verse 4. Verset 4. You have a few people in Sardis who have not soiled their clothes. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. They will walk with me dressed in white. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. For they are worthy. Parce qu'ils en sont dignes. He who overcomes like them will be dressed in white. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. I will never blot out his name from the book of life. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. He goes on, precious people. Let me even stop there. Il va plus loin, précieux peuple, mais laissez-moi arrêter là. Chapters 1, 2 and 3. Les chapitres 1, 2 et 3. Of the book of Revelation. Du livre de l'Apocalypse. Chapters 1, 2 and 3. Les chapitres 1, 2 et 3. The main theme is repentance. Le sujet principal, c'est la repentance. Repentance. La repentance. Repent and turn away from your ways. Repens-toi et détourne-toi de tes chemins. Repent and turn away from sin. Repens-toi et détourne-toi du péché. That is the main subject. C'est le sujet principal. And that's why. C'est pourquoi. I said. J'ai dit. That Revelation chapters 1, 2 and 3. Que Apocalypse chapitre 1, 2 et 3. He is preparing the church. Est en train de préparer l'église. For the coming of the Lord. Pour la venue du Seigneur. How about Revelation chapter 4? Qu'en est-il de Apocalypse chapitre 4? I'm going step by step. Je vais pas à pas. And deliberately I'm very slow. Et délibérément, je vais très lentement. I don't want to run. Je ne désire pas courir. Because our target is Revelation chapter 6. Parce que notre but est Apocalypse chapitre 6. But step by step, I am walking towards that. Mais pas à pas, je suis en train de marcher vers cela. In Revelation chapter 4. Dans Apocalypse chapitre 4. What is the Holy Spirit saying? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? The Lord begins to talk about the throne. Le Seigneur commence de parler à propos du trône. The throne of God. Le trône de Dieu. Chapter 4 is about the throne of God. Chapitre 4, c'est à propos du trône de Dieu. I just began here. Je commence seulement ici. With a very, very mighty apocalyptic vision. Avec la très, très puissante vision apocalyptique. Of how the Lord took me before the throne. Comment le Seigneur m'a amené devant le trône. And he made me know. Et il m'a laissé savoir. That he that sits on the throne. Que lui qui est assis sur le trône. Was seated. Il était assis. Even if the glory covered the throne. Même si la gloire couvrait le trône. He was seated there. Il était assis là. In Revelation chapter 4. Dans Apocalypse chapitre 4. He talks about the mighty throne of God. Il parle à propos du puissant trône de Dieu. And in that conversation, et dans cette conversation, listen to what he does. Écoutez ce qu'il fait. He introduces a few factors. Il a introduit un petit facteur. He introduces the throne of God. Il introduit le trône de Dieu. And then 24 other thrones. Et ensuite, 24 autres trônes. Alléluia. Alléluia. 24 other thrones. 24 autres trônes. And he says, et il dit, on each of those 24 thrones, sur chacun de ces 24 trônes, is seated one of the 24 elders. Est assis un des 24 anciens. Alléluia. Alléluia. Chapter 4. Chapitre 4. I said, j'ai dit, he introduces the throne, il introduit le trône, and there are 24 other thrones around the throne of God. Et il y a 24 autres trônes autour du trône de Dieu. And there are 24 elders seated on each. Et il y a 24 anciens assis sur chacun. Then he introduces four living creatures. Et ensuite, il introduit 4 créatures vivantes. And he says, et il dit, again, Revelation chapter 4, verse 1, dans Apocalypse chapitre 4, verset 1, after this I looked, and there before me was the door standing open in heaven. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. And the voice I had first heard, la première voix que j'avais entendue, speaking to me like a trumpet, said, comme le son d'une trompette qui me parlait, come up here, and I will show you what must take place after this. Dis, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit t'arriver dans la suite. You know that when the Lord in the Bible says after this, vous savez, quand le Seigneur dit dans la Bible, après cela, or when he said afterward, ou quand il dit ensuite, he means, il pense, the messianic time, le temps messianique, the time when the dispensation, the advent of the Messiah will be near. Le temps quand la dispensation, l'avènement du Seigneur sera proche. Afterward, I'll pour my spirit. After the, you know that. Ensuite, je déverserai mon esprit. Après cela, vous savez ça. That is obvious now. If you read the Bible and the Holy Spirit, that should be obvious. C'est évident. Quand vous lisez la Bible dans le Saint-Esprit, c'est évident. Come and I show you what must happen after this. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. And he says, et il dit, verse 2, verset 2, at once I was in the spirit, and there before me was a throne in heaven. Aussitôt, je fus saisi par l'esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, with someone sitting on it. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. And the one who sat there had the appearance of jasper and carnelian. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. A rainbow resembling an emerald encircled the throne. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Surrounding the throne were 24 other thrones. Autour du trône, je vis 24 autres trônes. And seated on them were 24 elders. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis. They were dressed in white and had crowns of gold. Revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. On their head. Sur leur tête. From the throne came flashes of lightning. Du trône sortent des éclairs. Rumbling and peals of thunder. Des voix et des coups de tonnerre. Before the throne, seven lamps were blazing. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. These were the 7 spirits of God. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Also before the throne was what looked like a sea of glass. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Clear as crystal. He's describing the glory that is around the throne of God, if you understood right. Semblable à du cristal. Il est en train de décrire la gloire qui abonde autour du trône de Dieu. Si vous comprenez bien. And I now continue the most important part also, another part. Et maintenant, je continue dans la plus importante part aussi, une autre partie. In the center, around the throne, au milieu du trône, autour du trône, there were four living creatures. Il y a quatre êtres vivants. They were covered with eyes in front and in back. Remplis d'yeux devant et derrière. Verse 7. Verset 7. The first living creature was like a lion. Le premier être vivant était semblable à un lion. The second was like an ox. Le second être vivant est semblable à un veau. The third had the face like a man. Le troisième a la face d'un homme. And the fourth was like a flying eagle. Et le quatrième est semblable à un aigle qui vole. Each of the four living creatures had six wings and was covered with eyes all around. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour. And under his wings. Et au-dedans de leurs ailes. Day and night they never stop saying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty." Ils ne cessent de dire, jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Who was and is to come. Qui était, qui est et qui vient. Whenever the living creatures give glory, honor and thanks to him who sits on the throne. Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce. He who lives forever and ever. À celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. The 24 elders, they would fall before him who sits on the throne. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. And worship him who lives forever and ever. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. They lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power." Ils jettent leur couronne devant le trône en disant, "Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance." For you created all things, and by your will they were created and have their being. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Listen very well. Écoutez bien. The 24 elders, les 24 vieillards, with their glorious gowns, avec leurs vêtements glorieux, and golden crowns, et leurs couronnes d'or, they remove their achievements, their crowns, and lay down. Ils enlèvent leur achèvement, leur couronne, et les mettent par terre. Worship Jehovah. Pour adorer Jéhovah. My question to the Church of Christ globally. Ma question pour l'Église de Christ globalement est ceci. I know that you have earned some crowns. Je sais que vous avez gagné quelques couronnes. I know it. Je le sais. Many of you have earned crowns. Plusieurs d'entre vous ont gagné des couronnes. You have been decorated. Vous avez été décoré. It is good to be decorated. C'est bien d'avoir été décoré. The fruit of your work. Le fruit de votre travail. But. Mais. The question is. La question est. Have you really laid down your crown in order to worship Jehovah? Avez-vous vraiment mis votre couronne par terre dans le but d'adorer Jéhovah? Have you done it? L'avez-vous fait?